Thank you.

Thank you. Bonne soirée, Philippe. Je crois que tu dois aller sortir ton chien. Non ? Il est temps d'aller sortir le petit chien. 75. Ça fait 140, 150. Eh ouais. 100. 150. Oh. Hey. 75. Hey. Oh. Ah ben, il n'y en a pas de Never Seven.